Maître Benito, l'incontournable de la justice. Papa Naben est béni. Taf et destin, les parisiens confirmés. Roger Massa seul contre tous. Léon Maurice Naloula, Yaka, Yaka, Rarato, Yambala. Yosa Libia, Pressé, Noté, Maron, Pona, Yo. Natongue, Yona, Kona, Kona. Otonio, Somo, Nakote, Pele, Kansé, Na, Yo. Ogaso, Nala, Papa, Nako, Reze, Michel. Papa ya bana, topesa bolingo na biso na nzambe kino